יו פשא לברא אוי אמותמה בפזרת פשא אוי אליבנה פונון יו קולונגה בוי אממה בננה יו פשא לברא זלנה מקליסי או פפה קלונדה יו קנגה אימא ואובו Suka sanza ere baninga ba kosepela yanga na bana ekomae sema poko na litamba kaka poya kosela yo kopazela bara gatu bagadoro na memanga bo ngai fostera shidi zambe ngana tuna nanie Suka sanza ere baninga ba kosepela yanga na bana ekomae sema poko na litamba kaka poya kosela yo kopazela bara Katu bagadoro na memangambo Ngai fose rashidi nzambe ongara zongambo kae Yole kanzele vatiko ezele bakwitie Demangera shakara pido kaka milangwa Peo songa nandako yoka maroba lukuta Yoka mama na bana baipelinga mosoro na bisi Solo mama na bana kreditifelanga ebimite Sazo yoro zela simaye Sanzo yororo, tokanga mabumbu mzambe o Yole kanzele vatiko ezele bakwitie Demangela shakara fito kaka milangwa Peo songa nandako, yoka maroba lukuta Yoka mama na bana, baibelinga mosoro na bisi Solo mama na bana, akeritifalanga ibibite Sanzo yororo, zela simaye Sanzo yororo, tokanga mabumbu re Sanzo yororo, zela simaye Sanzo yororo, tokanga mabumure Yena nimite mama Yena nimite mama Mobali atonda banyongo kasi mosole mona nate Zoka na pembeni ya zua Mosi mosusu bandeko Asombela yelo pango Pena biloko ya ndako Gana yeba kate Tika tika solo na milela mama Yena nimite mama Banika moyo kalika mbo Yena nimite mama Gaina bana na ndako Tokufa kase zala Tobamba kabila ma Mubala kipakate Yeseze la bakwiti Nuzigula mutu kopwe mama Yena nimite mama Opa niga boyo kalisa poe Yena nimite mama Yomo bali nangai Kanisa la veni Paza kazebo ya polo Eba la mama keadi Mabe yoko salaka Tandele yoko kanisa La vila vio yo mama Kele kesho se pamba Oh la vina bangu balukie Kele kesho se pamba Oh la vina bangu kweye mama Kele kesho se pamba Sala keba sala keba na mokili ya zambe Kele kesho se pamba Sala keba sala keba na mokili gomba pepe nzabe Kele kesho se pamba Sala keba sala keba na mokili gomba pepe manamwe Kele kesho se pamba Sala mieo Kaba mieo Washawashu Angamanwa Udibote Fiao kie Ngeye Angelera sitia pasha pitango koya Boko ingeli la baga zonga kate Bana bambole la ponyo ko zonga nda kote oyoka Wapi papa e Ima na kwe Mama zala Amota kikungu Wapi papa e Kaluka e Mama zala Amusaka e Wapi papa e Ibiye mosora Mama zala Kalukuta Wapi papa e Asile sana bangana Mama zala Vatikan Wapi papa e Oshaka Mama zala Nagwa kanzo Wapi papa e Shike boxe Mama zala Sukamboka Wapi papa e Nanda komande Mama zala Wapi papa e Bamba bamba Quelque chose est pas mal Quelque chose est pas mal Bamba bamba Quelque chose est pas mal Quelque chose est pas mal Bamba bamba Quelque chose est pas mal Quelque chose est pas mal Bamba bamba Quelque chose est pas mal Quelque chose est pas mal Bamba bamba Quelque chose est pas mal Quelque chose est pas mal Bamba bamba Bamba bamba Quelque chose est pas mal Bamba bamba Attention, attention, la locomotive arrive. Ouh, ah, ah. Oh, ils ont monté mal. Oh, Claudia, Claudia, washa, washa, washa, washa. Ah, un bout de temps sans ça. Pasha apitango koya Boko ingeli la baga zonga kate Bana bambole la ponyo ko zonga Ndako te oyoka